Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 80 et nous venons d'écouter Lumière et Diamant de Marat Tremblay. Nous allons continuer notre découverte de la lumière, de la photonique. Nous sommes maintenant en compagnie de Réal Vallée, comme je le disais tout à l'heure, qui est directeur du COPL. Le COPL, c'est le Centre d'Optique Photonique et Laser à l'Université Laval. Bonjour Monsieur Vallée. Bonjour. Alors, dites-moi, ce centre, j'aimerais qu'on le présente parce que ça a l'air quand même assez important. Il y a combien de chercheurs qui travaillent là? Il y a combien d'étudiants qui sont formés là chaque année pour aller alimenter toutes les entreprises dont on parlait tout à l'heure? Oui, bon, le COPL, en fait, c'est un réseau québécois. C'est le réseau québécois d'expertise en photonique qui regroupe 7 universités, dont l'Université Laval. Le centre a maintenant 25 ans. On a fêté le 25e anniversaire en 2014. À l'origine, tous les chercheurs provenaient de l'Université Laval, mais progressivement, on a intégré des chercheurs de l'École polytechnique, de l'Université McGill, de l'Université de Sherbrooke, maintenant de l'UQAM, de l'ETS. Donc, on veut être le regroupement des chercheurs en optique photonique du Québec. Donc, le centre comporte en ce moment une quarantaine de professeurs-chercheurs et chaque professeur-chercheur, c'est un peu comme une PME avec ses chercheurs post-doc, ses étudiants gradués, son personnel de soutien technique. Donc, au total, une quarantaine de professeurs, autant de chercheurs post-doctoraux, près de 300 étudiants à la maîtrise et au doctorat. C'est beaucoup? Oui, on est assez nombreux. Assez nombreux. Ça vous donne une idée de de la popularité de l'optique photonique au Québec. Ça, Donc, ça fait beaucoup de cerveaux et de mains pour travailler, pour mener toutes sortes de recherches. Quels sont les domaines qui sont étudiés au COPL? Il y a 6 domaines de recherche. D'abord, les matériaux optiques, c'est fondamental. Dans toute technologie, on a d'abord besoin de maîtriser le matériau. Ben là, on parle de matériaux. Pour être intéressant en optique, le matériau, il doit transmettre la radiation lumineuse, qu'elle soit visible ou infrarouge ou ultraviolet. Donc, principalement les verres, mais on travaille aussi avec les semi-conducteurs, en fait, tous les matériaux où on peut utiliser l'interaction entre un photon et un électron. Donc, nos domaines de recherche, les matériaux, les lasers. Et les lasers de toutes sortes, on pourra en reparler là, les fibres optiques et l'optique intégrée. Et du côté des applications, il y a 3 axes, les télécommunications, l'instrumentation optique et finalement la biophotonique, qui est un des axes en émergence en ce moment là dans le. Ben allons-y justement avec les lasers. Il me semble qu'on a fêté le 50e anniversaire il n'y a pas si longtemps. Oui, il y a quelques années. Donc, c'est quand même quelque chose qui existe. Qu'est-ce qu'on fait encore comme recherche pour l'améliorer, le laser? Moi, je me dis, c'est une lumière rouge, une lumière bleue. Qu'est-ce qu'on fait de plus pour Il y a différents axes. Il y a un axe important qui est celui de raccourcir la durée des impulsions. La lumière. Telle qu'on l'aperçoit, la lumière du soleil, c'est une lumière qu'on dit continue, qui est émise de manière continue. Souvent, les lasers qu'on fabrique, ils sont émis de façon pulsée, c'est-à-dire avec des impulsions, avec une certaine cadence. Alors, on aime bien que les impulsions soient de plus en plus courtes. Si je vous disais que maintenant, les impulsions sont tellement courtes, qu'elles atteignent le régime des attosecondes. Mais ça sert à quoi de les faire aussi courtes? Bon, c'est qu'on peut maintenant sonder la matière dans ces derniers retranchements-là. On peut faire de l'imagerie d'orbital atomique avec des lasers aussi brefs, parce que le temps, dans le modèle classique, qu'un électron prend pour faire le tour d'un noyau atomique, ben c'est de cet ordre-là. Alors, quand on est capable d'interagir avec cette vitesse-là, le laser sert non seulement d'outil technologique, mais aide à faire avancer la science. Ça, c'est intéressant de voir que parfois la technologie dépend de la science, mais des fois la science dépend de la technologie. Les allers-retours. Voilà, c'est ça. Un autre axe où on aime développer des lasers, c'est, vous parlez de lasers bleus, rouges, mais on veut développer des lasers ultraviolets, rayons X, et à l'autre extrême, dans l'infrarouge. Là, il y a beaucoup de travail qui se fait pour développer des sources lasers qui élargissent la couverture spectrale où on peut interagir avec la matière. Quand on change la longueur d'onde, on change le, c'est un peu la l'interrogation ou l'interaction avec la matière, elle se fait à un autre niveau. Faire vibrer des molécules ou faire valser des électrons, ça se fait à des longueurs d'onde différentes. D'accord. Donc, d'où l'intérêt de développer de nouveaux lasers. Ouais. Et donc, il se fait encore énormément de recherches du côté des lasers. Oui, j'en doute pas, en fait, mais je me demandais ce qu'on pouvait faire plus que les petites lumières qu'on voit. Ah, et puis, je ne vous ai pas dit, on veut aussi des lasers de plus en plus puissants. Ah oui. Hein? Ouais. Et ça va aussi avec l'idée de les faire plus brefs. Les lasers, maintenant, peuvent atteindre des pétawatts. Là. On parle plus juste de terawatts. Alors, vous imaginez, dans le pulse laser, il y a plus de puissance que toute la puissance d'Hydro-Québec. Ouais. Ça ne dure pas longtemps, là, mais au moins, pendant ce c'est moment, c'est mille fois plus intense que tout ce qui est généré par les barrages d'Hydro-Québec. Alors, parlons aussi des fibres optiques, parce que c'est pareil, la fibre optique, qu'on nous dit, elle arrive à Québec, on a l'impression que ça y est, c'est fait, mais bon, c'est pareil, vous faites plein de recherches là-dessus. Qu'est-ce que vous lui voulez de plus à la fibre Effectivement. optique? Effectivement, c'est peut-être bon de rappeler que la fibre optique, c'est ce qui a permis la révolution Internet. On ne pourrait pas avoir autant de bandes passantes, on ne pourrait pas écouter nos films sur le web s'il n'y avait pas la fibre optique qui permet... La bande passante, c'est la quantité d'informations qu'on peut faire transiter. Alors, la fibre optique a été essentielle à ça. Et déjà, on réalise que les réseaux actuels ne pourront pas supporter la demande qui, elle, continue de croître. Alors, on a besoin de développer de nouvelles fibres optiques avec de nouvelles propriétés qui vont permettre d'accroître la bande passante. Sinon, et je pense que la vraie réponse à votre question, c'est que la fibre optique, ce n'est pas qu'un guide de lumière. Ça ne sert pas qu'à transmettre de la lumière. Ça permet de faire tout le processing, c'est le mot anglais qui me vient en tête, là. On peut, avec de la fibre optique, non seulement transmettre de la lumière, mais, par exemple, l'amplifier. Mm-hmm. Alors, au lieu d'utiliser de l'électronique, on peut simplement, avec un bout de fibre optique spéciale, amplifier la lumière. Et ça, par exemple, c'est essentiel pour les réseaux de communication transocéaniques, où on a besoin d'amplifier périodiquement la lumière. Et ça se fait à l'intérieur même de la fibre optique. Alors, la lumière, dans une fibre optique, elle n'est pas juste transmise. On peut faire plein d'opérations, plein de fonctionnalités. Et c'est pour ça qu'on a besoin de développer toutes sortes de nouvelles fibres optiques pour pouvoir faire toutes ces transformations-là. Bon, on a parlé des télécoms, mais il y a d'autres domaines, comme la biophotonique, dont mon collègue Daniel va vous parler tout à l'heure, où on développe des fibres optiques spéciales pour des applications spéciales. Donc, il y a plein d'autres domaines où la fibre optique est développée spécialement pour des applications. Il y a aussi un autre domaine que j'ai vu, ça fait aussi plusieurs années, les miroirs. Il y avait une recherche sur les miroirs liquides. Ça aussi, c'est des choses qui se font au COPL? Oui, ben, moins le professeur qui poursuivait ces recherches-là a pris sa retraite. Mais l'idée, c'était d'utiliser un milieu qui est liquide. C'était du mercure à l'origine, mais on a remplacé ça par d'autres matériaux plus faciles à utiliser. Et donc, une cuve en rotation qui prend une courbure parabolique, qui est celle d'un miroir. Et, avec très simplement, on a pu fabriquer des miroirs pour des applications astronomiques de cette manière. Et mon collègue, justement, qui avait proposé l'idée, en collaboration avec la NASA, avait proposé différentes applications, dont une qui aurait consisté à amener un tel miroir, à construire un tel miroir sur la Lune, par exemple, ou sur d'autres astres. Ce qui est impossible autrement, parce que si on pense à un miroir fabriqué de façon standard avec du verre poli, la masse, l'inertie d'une telle structure fait en sorte qu'on n'aurait jamais pu la porter sur d'autres planètes. Et donc, c'est un exemple d'application où l'optique peut servir en astronomie. Voilà, en tout cas, ça montre aussi la diversité des recherches qui peuvent être faites, qui sont à faire en optique photonique laser. Tout à fait. Et donc, j'imagine que vos 400 étudiants, ou je ne sais plus combien, qui passent par le COPL, trouvent facilement de l'emploi? Quels sont les avenirs en matière de carrière? Non seulement ils trouvent de l'emploi, mais ils trouvent de l'emploi dans leur domaine de recherche. Mm-hmm. On a une idée assez précise de la diaspora là, de nos étudiants. Oui. Et la plupart, une bonne partie trouvent des emplois non seulement au Québec et au Canada, mais même dans la région de Québec qui est très dynamique. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que certains de ces étudiants-là non seulement se trouvent un emploi, mais créent leur propre emploi en démarrant des entreprises. Mm-hmm. Et ça, c'est bien parce qu'on fait d'une pierre deux coups, là. Non mm-hmm. seulement l'étudiant, une fois qu'il a son doctorat, crée son entreprise, se crée un emploi et en crée pour ouais, d'autres étudiants. Ouais, ça donc, oui, c'est un domaine, je vous dirais, où les gens n'ont pas à s'inquiéter de se trouver un emploi mm-hmm. Avec un diplôme. Donc, voilà un vaste champ de recherche dans lequel, finalement, les chercheurs de Québec sont très actifs. Merci beaucoup, M. Vallée, de nous l'avoir fait découvrir. On va passer à quelques pauses publicitaires, quelques publicités sur CKRL au 89.1. Et au retour, on plonge encore plus dans le vif du sujet avec la biophotonique.